La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Alexandre Grothendieck, un mathématicien qui prit la tangente. Pour respecter sa volonté d'effacement, on ne devrait même pas prononcer son nom ni parler de ses travaux. Alexandre Grothendieck a réussi l'exploit d'avoir été l'un des plus grands mathématiciens et d'être devenu le plus discret de tous. Chercheur génial, écologiste radical au début des années 1970, ermite retiré du monde pendant 23 ans, il a eu 3 ou 4 vies successives entre sa naissance le 28 mars 1928 à Berlin et sa mort en 2014, quelque part dans l'Ariège. Le monde des mathématiques l'a découvert en 1958 au Congrès mondial d'Édimbourg où il présenta une refondation de la géométrie algébrique. La géométrie algébrique, ce sera sa grande œuvre, une sorte de cathédrale conceptuelle construite en collaboration avec 2 autres mathématiciens, Jean Dieudonné et Jean-Pierre Serre. En quoi cela consiste-t-il? Difficile de dire, mais en gros, si vous tracez un cercle avec un compas, vous faites de la géométrie. Si vous écrivez x au carré plus y au carré égale 1, c'est-à-dire l'équation d'un cercle, vous devenez un algébriste. La géométrie montre, l'algèbre démontre. Grothendieck, lui, a voulu fonder une géométrie nouvelle à partir de 2 concepts clés, les schémas et les topos, sur lesquels nous reviendrons peut-être. De 1950 à 1970, Grothendieck fit des mathématiques, seulement des mathématiques. Il fut un travailleur acharné et monomaniaque. Mais un jour, il finit par découvrir la politique. En 1966, il refusa d'aller chercher sa médaille Fields à Moscou, où 2 intellectuels venaient d'être condamnés à plusieurs années de camp pour avoir publié des textes en Occident sans autorisation. L'année suivante, il passa 3 semaines au Vietnam pour protester contre la guerre lancée par les États-Unis. À partir de 1971, il consacra l'essentiel de son temps à l'écologie radicale à travers un groupe qui avait été fondé par un autre mathématicien, le groupe Survivre et Vivre. En août 1991, il choisit de disparaître dans un village tenu secret après avoir confié 20 000 pages de notes à l'un de ses anciens élèves. Le nom d'Alexandre Grothendieck, comme celui d'Ettore Majorana, ce physicien italien génial qui avait choisi lui aussi de disparaître, mais dès l'âge de 31 ans, sonne un peu comme la promotion de l'évanescence dans l'autologie radicale. Car sa disparition donne à croire qu'elle le résume et le raconte davantage que tout le reste. Le choix qu'il a fait de s'évader rétroprojette son ombre sur tous les événements antérieurs de sa vie, comme s'il n'avait jamais eu d'autre intention que celle d'échapper un jour au commerce des hommes. Mais raisonner ainsi serait injuste, car ce serait oublier l'homme, ses vies et son œuvre, qui est monumentale et demeure en partie inexplorée. Alors justement, pour en savoir un peu plus sur ses vies et son œuvre, j'ai invité Philippe Douroux. Bonjour Philippe Douroux. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération et vous venez de publier un livre qui s'intitule « Alexandre Grothendieck, sur les traces du dernier génie des mathématiques ». Ouais. Pourquoi dernier? Vous pensez qu'il n'y en aura plus? Pour l'instant, il n'y en a pas. Je veux dire, pour l'instant qu'il y ait cette dimension, je crois qu'il n'y en a pas. Pour l'instant, maintenant, il peut émerger un très grand mathématicien. Génial, c'est quoi un mathématicien génial? C'est quelqu'un qui bouleverse les règles de sa science. Il a bouleversé les règles de sa science, il n'était pas le premier, il n'est pas le dernier, mais il a bouleversé l'orientation des mathématiques et notamment de la géométrie algébrique. Et pour longtemps, puisqu'on travaille aujourd'hui sur les notions de 1964, qu'il pose en 1964. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres grands? Oui, il y a de très grands mathématiciens. Il y a Voïvodski qui travaille sur les mêmes mathématiques. Il y a des jeunes mathématiciens, Joseph Ayoub en France. Il y a de très grands mathématiciens. Mais pour l'instant, j'ai pas entendu parler d'un mathématicien qui a cette dimension. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage? Depuis quand? Quand est-ce que vous en avez entendu parler pour la première fois? Et qu'est-ce qui vous a rapproché de lui? Écoutez, la première fois que j'en entends parler, c'est exactement il y a 5 ans. Voilà, il y a 5 ans, cinq ans, j'entends parler de ce mathématicien parce que je cherche à donner une réponse à une question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que l'école de mathématiques française est aussi bonne? Voilà, on a à peu près autant de médailles Fields que les États-Unis, alors qu'on est écrabouillé en médecine, en physique, en chimie. Mais en mathématiques, on tient. En physique, on n'est pas écrabouillé. Non, on n'est pas écrabouillé, mais oh oui, c'est méchant parce que. Grothendieck n'aimait pas beaucoup les physiciens, c'est pour ça. Bon, on tient un rang vraiment qui est un premier rang dans le monde. Bon, et c'est très difficile de faire parler des mathématiciens quand même. Ils veulent parler avec leurs mots, ils ont raison, mais du coup, ça fait un dialogue qui est un peu bref. C'est Claire Voisin qui est une grande mathématicienne. Qui a bien connu Grothendieck. Qui a connu Grothendieck, mais qui l'a détesté. Et elle disait, je détestais l'homme et les maths. Aujourd'hui, je suis bien obligé d'avouer que il est incontournable. Bon. Et elle disait, elle parle du farouche silence des mathématiciens. Et j'ai été confronté à ce farouche silence. Et puis un jour, un mathématicien me dit, arrête de t'intéresser à cette question, intéresse-toi, regarde la liste des médailles Fields français. Il y en a un seul, qui n'est pas passé par la rue d'Ulm. Voilà. C'est Alexandre Grothendieck. Alors, quand vous découvrez ça, c'est intéressant. Déjà, moi, j'ai une fascination pour les mathématiques. Je suis absolument pas mathématicien. J'ai découvert, si j'ose dire, la beauté mathématique beaucoup trop tard. À l'âge de 16 ans, c'était infiniment trop tard. C'est pas si tard que ça. Si, c'est 16 trop ans. Tard. C'est trop tard. 16 ans, c'était trop tard parce que j'avais des lacunes dans à peu près tout. Donc, il fallait que je comble à peu près tout. Et donc, la fascination est restée. J'ai fait une année de mathématiques. Mais c'était pour me conforter en mathématiques et pour faire de l'économie après. Bon, et donc je conserve une fascination pour les maths. Je trouve ça d'une grande beauté et je trouve ça surtout d'une puissance incroyable. Mais comme le x2 plus y2 égale 1, je veux dire, c'est voilà, on a découvert le cercle quand on a fait ça. On l'a bien défini avec des outils qui appartiennent aux hommes. Voilà. Donc je découvre ce personnage un peu bizarre dont on me dit qu'il est retiré depuis 23 ans dans les Pyrénées. Enfin, à l'époque, c'est pas 23 ans, mais c'est 18. Il est retiré dans les Pyrénées et moi, je suis journaliste, donc un type qui est comme ça, enfin dans des contrées dont on peut pas avoir le nom. Il m'a fallu 3 mois pour avoir le nom du village. Ça m'a intéressé, je veux dire, c'est extrêmement donc c'est intriguant. C'est parce qu'il avait disparu ce qui vous a intéressé oui, d'abord. Oui, il y a ça. Non, parce que on me disait, c'est à la fois un des plus grands génies du XXe siècle, qu'on le compare ou pas à Einstein, qu'on le compare à l'un ou l'autre, il est de cette dimension. Bon, et en même temps, il avait disparu. Enfin, plus personne ne savait où il était, plus personne ne savait ce qu'il faisait, plus personne ne savait s'il travaillait. Et très rares étaient les mathématiciens qui savaient où il se trouvait. Donc, est-ce que vous l'avez vu ? Oui. Vous l'avez traqué ? Ouais, je l'ai vu 2 fois. Je suis monté une 15aine de fois dans le village. J'ai passé 2 fois 8 jours. Il était à l'autre bout du village. Et la règle que j'ai respecté jusqu'au bout, c'était qu'on ne devait pas le déranger. Voilà. Jean Malgoire, qui était le mathématicien à qui il a confié des cartons en 91, m'avait donné l'adresse en échange de la promesse de ne pas le déranger. Ne pas le déranger, ça veut dire ne pas sonner, ne pas se présenter de manière inopportune, etc. Donc j'ai respecté cette règle jusqu'au bout. Et de ce fait, sur la 15aine de fois où je me suis installé devant la maison pour 1 heure, je ne l'ai vu que 2 fois. Une fois, c'était en mai 2014, c'était quelques mois avant sa mort, et il montait sur une échelle, ce qui était invraisemblable, couper des roses, et tout ça a été fait avec beaucoup de précaution et beaucoup de fragilité. Il aimait les plantes. Ouais, il adorait les plantes, c'était ça. Après, on peut me dire que c'était sa folie. C'était sans doute sa folie, mais qui le reprochera ? Il avait transformé sa maison en arche de Noé des plantes. C'est-à-dire qu'il avait planté... Alors, il y avait des jarres, il avait acheté des jarres, il s'était fait vendre des jarres de 200 litres d'eau qu'il remplissait. Et il mettait des branches, il mettait des plantes en espérant que ça reprenne, que ça repousse, et il voulait sauver le monde. Alors, il s'est intéressé d'une autre manière aux plantes, qui est assez amusante, c'est qu'il a aussi fait beaucoup de distillation. Donc, il y a de l'alcool... de Grothendieck, de Mirabelle et de Prune, autant que je m'en souvienne, qui sont comme ça. Je crois qu'ils recherchaient l'essence des plantes, ou cerner, aller au fond des choses, aller au fond à l'essence de la plante, et sauver ce monde végétal. Il disait, c'était mes dernières amies, mes plantes. Et la deuxième fois où je l'ai vu, c'était à travers une fenêtre, et c'était très émouvant parce qu'il était assis, on voyait juste sa tête... Et ça, j'ai vu une main, à un moment, s'approcher de la plante, et il parlait à sa plante, c'était un spectacle très très touchant. Bon, et vous n'avez pas croisé son regard, donc ? Non, on a été face à face pendant 5-10 minutes, quand il est venu chercher son courrier à la boîte aux lettres. Là, j'ai été le plus idiot des hommes, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas voulu le déranger. Je sais que quelle aurait été sa réponse, je la connaissais, beaucoup de gens avaient tenté de l'approcher, de lui poser des questions... Il répondait de manière très désagréable. On avait eu un échange de lettres qui avait été assez désagréable. Mais moi, c'est pas ça. Ça m'est égal, ça. J'ai pas osé lui parler. Et physiquement, il était comment? Il avait une longue barbe, il était chauve. Oui, il ressemblait au Père Noël. Il ressemblait au Père Noël. C'était un personnage. Alors c'est pour ça que jusqu'à la fin de sa vie, il sera un personnage. C'est-à-dire qu'à cette époque, il avait une espèce de une sorte de grand manteau ou une robe de chambre. Après un moment, on ne sait plus ce que c'est. Rouge, mais très très passé. Un bonnet de laine en grosse laine, des sandales comme il en a porté toute sa vie, des grosses chaussettes. Et il ressemblait au Père Noël. Qui vient de finir sa tournée, quoi. Est-ce qu'on peut commencer par le début de l'histoire? Il est né à Berlin, comment ça se passe? Quelle enfance a-t-il? Comment vient-il aux mathématiques? Il naît à Berlin, effectivement, en avril 1928, dans un quartier à l'époque très très pauvre, qui est près de Rosenthaler Platz. Et là, ses parents sont deux révolutionnaires, socialistes révolutionnaires. Son père est anarchiste, a déjà fait deux révolutions, si on en croit l'histoire et la légende, qui est difficile, c'est difficile de les... de faire le tri entre les deux. Mais donc il se retrouve en 1928 dans un quartier très très pauvre et lui-même vit dans des conditions avec ses parents très très difficiles et sa sœur dans des conditions très difficiles. Évidemment, quelques années plus tard, en 1933, quand Hitler arrive au pouvoir, ses parents décident de partir. Parce que à l'évidence, la révolution à laquelle il croit ne se produira pas à Berlin, donc il faut aller ailleurs. Et à ce moment-là, ils abandonnent leur enfant, mais c'est à la fois brutal et Alexandre a beaucoup de chance, c'est qu'il tombe sur des pasteurs, un couple, qui va très bien s'occuper de lui pendant 6 ans, sans respecter les consignes de la mère qui était ne lui parlez pas de Dieu, ne l'envoyez pas à l'école et ne lui coupez pas les cheveux. Elle fera les trois. Mais il va avoir là 6 années très classiques, si j'ose dire, dans une famille d'accueil. Il aura toujours beaucoup de tendresse pour ces gens qui l'ont accueilli. Il ne va pas à l'école. Il va à l'école. La dame qui l'accueille ne respecte pas les consignes de la mère. Là, pour le coup, vraiment, elle lui coupe les cheveux de manière sévère. Ça passe d'un petit enfant bouclé avec les cheveux très longs, un petit garçon très jeunesse allemande de l'époque. Bon, et puis ils vont lui parler de Dieu aussi. Bon, mais même s'il n'aura jamais une foi très affirmée, bon. Et donc, en 1933, les parents partent, lui se retrouve là-bas. Bon, il retrouve ses parents 6 ans plus tard, en 1939, quand ses parents reviennent de la guerre d'Espagne, voilà, avec la retirada. En 1939, on ne connaît pas bien la date, c'est probablement au printemps 1939, et il retrouve donc ses parents en France, à Nîmes. Mais ça va pas durer très longtemps parce que la police française ouvre des camps d'internement dès septembre 39 où tous les indésirables sont enfermés. Les indésirables. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est un nom assez épouvantable qui regroupe les étrangers, en l'occurrence les Allemands, les Russes, les Polonais, s'ils n'ont pas de situation stable ou de papier, les communistes, les anarchistes, voilà. Et notamment donc tous les Espagnols qui reviennent d'Espagne. Donc son père est envoyé dans un camp au Vernet d'Ariège, qui est un camp extrêmement dur, et sa mère et l'enfant partent au Riocro, qui est un camp pour les femmes, qui est un camp assez très bouleversant parce que les femmes vont s'organiser très vite en société. Elles appellent ça des sociétés. Il y a la société avec un baraquement avec les Allemandes, un baraquement avec les Espagnols, les politiques s'organisent entre elles, etc. Et là, il se trouve que les femmes négocient pour que les enfants puissent aller à l'école. Bon, et les gendarmes laissent passer les enfants le matin et le soir. Tous les matins et tous les soirs. Tous les matins et tous les soirs, ils peuvent aller à l'école. Ils y vont à pied, dans des conditions qui sont pas extraordinaires pour des enfants, mais ils peuvent y aller. Il y a d'ailleurs, ce qui est amusant dans ce camp, il y a Michel Del Castillo qui deviendra un grand romancier, et Alexandre Grothendieck qui fait partie des grands et qui donc se retrouve au collège à Mende, où il est bien accueilli. C'est-à-dire que les instits et les professeurs vont le protéger un peu, faire sécher ses vêtements pendant la journée, le nourrir, ce qui est important parce qu'au camp, il y a peu à manger. Donc, il s'en occupe. Et c'est là qu'il découvre un royaume qui s'appelle les mathématiques. Comment ça se passe? Alors, c'est arrivé à beaucoup d'enfants. C'est de mesurer la circonférence d'un cercle et de le comparer au diamètre. Bon, il se trompe. Lui, il trouve 3. Il ne trouve pas pi. 3,14, il ne trouve pas. Mais personne ne trouve pi, par une mesure. Mais lui, il trouve 3. Il dit c'est 3. Alors, il met du temps parce que à admettre que c'est 3, Marie, qui est qui joue le rôle d'institutrice dans le camp, qui fait faire les devoirs, etc., lui démontre que ce n'est pas 3 et que pi existe. Et pi, c'est... Mais il s'en fiche, lui. Il s'en fiche. Il est certain, il fonde là-dessus. Allez savoir pourquoi. Mais il a quand même découvert tout seul la proportionnalité entre la circonférence et le diamètre. Voilà. Il le découvre, il se trompe un peu. Mais ça, c'est tout Grothendieck. C'est-à-dire que fondamentalement, il a raison. Il se trompe sur ce qu'il appellerait aujourd'hui un détail. 3,14, c'est pas très loin. Mais il a découvert la stabilité de cette relation entre l'un et l'autre. Voilà. Quel que soit le cercle, ça reste vrai. Mais est-ce que je me trompe si je dis qu'il ne croit que ce qu'il découvre lui-même? Voilà. Il n'y a pas d'argument d'autorité qui puisse tenir pour lui venant du professeur. Aucun. Aucun. Et c'est très étonnant parce que ça devient dès la classe en troisième, quatrième, troisième, seconde, il est toujours à tenir tête à ses professeurs. C'est-à-dire que s'il trouve une solution plus compliquée que ce que dit le livre, ça lui est totalement égal. Il a trouvé une solution et il trouve que les professeurs sont un peu butés de s'arrêter comme ça à ce qui est écrit dans les livres. Et on peut le comparer à Einstein de ce point de vue. Ouais. Qui a eu la même scolarité. Ouais. Enfin, oui, c'est ça. Voilà. C'est pas un très bon élève. Hein. Je dis dans mon livre à un moment qu'il a le 7e prix de mathématiques. Donc il y a des gens qui sont aujourd'hui totalement inconnus qui ont le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e prix. C'est lui. Bon. En géométrie, il a aucun prix. Bon. Astronomie, c'est une catastrophe, je crois. Ce sera plus tard, ce sera un des problèmes, c'est qu'en astronomie, à un moment, en mathématiques, en licence de mathématiques, on vous demande de faire des calculs. Alors ça, les calculs l'ennuient profondément et il se trompe. Alors il n'a pas sa licence, donc il faudra qu'il repasse, qu'il attende 6 mois, repasser la session de rattrapage et il aura. Donc c'est important comme message, Jean-Pétain. Un génie en mathématiques est mauvais en calcul. Absolument. Il n'y a pas de... Voilà, lui, à un moment, on lui demande, il fait un cours. Alors, je crois que ça se passe à l'ENS, à Paris. Il fait un séminaire, alors il participe et on lui dit, mais vous parlez de nombre premier, mais est-ce qu'on peut prendre n'importe quel nombre premier? Ben, il dit, oui, prenez n'importe quel premier nombre premier. Prenez, par exemple, 57. Qui n'est pas premier. 57 n'est pas un nombre premier, se divise par 3 ou par 19. Il est tombé juste à côté, puisque 47 est un nombre premier, 67 est un nombre premier, mais il n'en a aucun. Ça le touche absolument pas, ça lui est totalement égal. Ce camp, il a une scolarité, disons, à peu près normale. Oui, jusqu'en terminale. Il a un caractère particulier, il refuse les arguments d'autorité. Ouais. Et qu'est-ce qui va l'amener à une vocation, à la conscience d'une vocation de mathématicien? Alors c'est très étonnant parce qu'écoutez, on est en 45, hein, quand il passe le bac, c'est pas vraiment un moment extraordinaire pour être repéré, sans doute, donc il n'est pas du tout repéré. Mais quand même, il est au Chambon-sur-Lignon, au collège Sévenol, et là les profs se disent... Il est bon. En 1945, il faut qu'il poursuive ses études et on va essayer de trouver des financements. Il y a des filières. Et donc, il l'envoie quand même à Montpellier pour faire des études de mathématiques. Lui découvre qu'on peut faire des études de mathématiques, mais à ce moment-là, il pense qu'il est le seul mathématicien au monde. Hein. Et il arrive à Montpellier, qui est une faculté de bon ordre, mais il n'y a pas de recherche mathématique à Montpellier. Il y a des professeurs d'analyse, des professeurs d'astronomie. Et pendant 3 ans, il va pas beaucoup au cours, il dévore les manuels, ça lui suffit, et il fait autre chose en fait. Et pendant 3 ans, il travaille pour reconstruire ce qu'on appelle l'intégrale de Lebesgue ou les intégrales de Lebesgue, qui est le calcul de volumes très complexes comme des nuages. Bon, voilà, on approche petit à petit du volume de cette forme extrêmement complexe. Quel est le volume d'un nuage? C'est la question qui se pose. Voilà. Et il le reconstruit en 3 ans, ce qui est absurde. Mais ça lui permet quand même de se faire repérer par un professeur d'analyse et par un inspecteur d'académie qui doit lui attribuer une bourse parce qu'ils sont, avec sa mère, extrêmement pauvres. Hein. On appelle ça les nécessiteux, une bourse pour nécessiteux. Et le type passe 2 heures avec lui au lieu de 20 minutes. Et il se dit, c'est quand même étrange ce garçon. Il n'a pas des notes extraordinaires du tout, il n'a aucune manière de se faire remarquer en cours. Mais là, il y a quelque chose d'étrange. Donc les deux... C'est-à-dire qu'il a redémontré tout seul quelque chose qui était déjà connu. Voilà, et il va se faire engueuler par un grand mathématicien, puisque ça a été établi en 1902 par Lebesgue. Donc c'est pas la peine de le refaire, mais lui il a refait. Alors on peut dire il triche ou pas. Non, je crois pas qu'il ait triché parce que il tombe sur Jean Dieudonné un peu plus tard. Jean Dieudonné est un type grand mathématicien, extrêmement droit et qui n'aurait jamais accepté de valider le travail d'un jeune mathématicien qui aurait recopié, repompé ou je ne sais pas quoi. Non, il le valide en tant que recherche. Il dit que c'est absurde, qu'il faut arrêter, que c'est pas comme ça qu'on fait des maths. On fait pas des maths en recopiant ou en refaisant ce qui a été fait, surtout pas. Donc il se fera engueuler. Mais il a fait ce travail. Et ce travail l'amène à avoir une petite lettre de recommandation pour aller à Paris voir monsieur Henri Cartan. Et là, Henri Cartan se dit, c'est bizarre quand même. Il a un type qui est en face de lui qui est assez désagréable, mais parce qu'il n'a aucune notion de ce que c'est que les relations sociales. Vraiment, la bienséance, il s'habille un peu n'importe comment. Ouais, il s'habillera toujours n'importe comment. Oui, il tombe en face de ce garçon qui est une sorte d'étrange phénomène, qui a l'air brillant, mais totalement pagailleux, ou en tout cas qui... Bon. Il l'accepte comme élève... auditeur libre, et donc il peut aller au séminaire de l'ENS et aller au Collège de France où il assiste au séminaire de M. Leray. Et là, il dit, Gottendieck dit, je comprends rien. Voilà. Et là, il découvre qu'il y a de la recherche mathématique, qu'on peut, sur les mathématiques, faire des travaux dont lui n'a aucune idée. Alors, il découvre ce que c'est que l'analyse de très haut niveau, il découvre la géométrie algébrique, il dit, je ne comprends rien, rien, mais je m'accroche. Je m'accroche, et ce qu'il y a de fabuleux, c'est... Il a à la fois le sentiment d'être génial, ouais. Je pense, hein, dès le début. Ah oui, la force, oui. Et aussi l'honnêteté de reconnaître qu'il comprend rien. Ouais. Ah oui, il le dit de manière très touchante dans Récolte des Sommets, qui est son livre inédit qu'on peut trouver sur Internet. Il le dit très très bien, il dit, j'étais bien accueilli, hein, j'étais bien accueilli, c'est-à-dire que les gens faisaient attention à moi, répondaient à mes questions, mais j'étais idiot, je comprenais rien. Il le dit de façon très touchante, quoi, ouais, très sincère, je comprenais rien. Mais là, on le met entre les pattes, entre les griffes de deux grands mathématiciens qui sont Laurent Schwartz et Jean Dieudonné, qui sont à cette époque-là à Nancy. Et là, il leur pose un problème. C'est comment faire avec ce garçon. On ne peut pas le mettre dans un cours, ça ne sert à rien de le mettre dans un cours. Donc, il lui donne 14 problèmes à résoudre. Mais qui n'ont pas eu le temps de résoudre eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu le temps de résoudre eux-mêmes. Laurent Schwartz dit dans ses mémoires que c'était des problèmes complexes. C'était pas. Il les laisse aussi tomber parce qu'il sent que c'est compliqué, quoi. Qu'il y a de la matière et que c'est difficile. Et là, la légende se mélange un peu avec l'histoire. La légende, c'est que quelques mois plus tard, alors on dit 6 mois, on dit 8 mois, il a tout résolu, comme on a dit Jean Dieudonné quand il rencontrait d'autres mathématiciens. Il a tout résolu. C'est-à-dire que ce garçon, qui est tout jeune, qui découvre la recherche, donne une leçon à ses professeurs. Il résout des problèmes extrêmement complexes. Et ce qui est certain, c'est que 3 ans plus tard, quand il s'agit de lui adresser, lui accorder un doctorat, une thèse, il faut choisir une thèse. Et il y a 6 thèses disponibles. 6 thèses. 6 thèses en 3 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un étudiant de bon niveau va mettre 3 ans, 4 ans, 4 ans pour rédiger. 6 thèses en 6 mois, pas en 3 ans. Oui, 6 thèses en 3 ans. Mais ça, quand vous dites qu'il a tout résolu, est-ce qu'il a vraiment tout résolu ou est-ce qu'il a donné des indications sur la bonne façon de résoudre ? Non, il semble qu'il ait résolu. Il semble qu'il ait résolu les problèmes en apportant des outils nouveaux. C'est ça qui fascine les Jean Dieudonné et Laurent Schwartz, c'est qu'il apporte des outils nouveaux, des concepts nouveaux pour percer des problèmes et les résoudre. Alors, après, il faut faire très attention à la rédaction de Gottendieck parce que on dit toujours, il lui-même parlait de Gribouilly. Alors, évidemment, il parlait de Gribouilly avec une certaine humour. Il ne rédigeait pas. Voilà. Il ne rédigeait pas. C'est-à-dire que, pendant toute sa vie, hein, il fonctionnera comme ça. Il travaille la nuit. Voilà, il est noctambule, il travaille la nuit de 22h à peu près à 6h du matin, et il rédige des pages sur des papiers qui sont des papiers qui ont n'importe quelle forme. Beaucoup, il a beaucoup travaillé sur ces grandes feuilles que les gros ordinateurs dévidaient dans les années 80. Voilà, il écrit. Donc ça, ça dure pendant 10 ans, il écrit la nuit de 22h jusqu'à 6h du matin. Voilà. Quand il a terminé, Jean Dieudonné récupère les papiers. Voilà, ou des étudiants, après ce sont des étudiants, récupèrent des papiers, travaillent sur les papiers et en font un texte publiable. Alors c'est les fameux EGA, les éléments de géométrie algébrique, ou les SGA, les séminaires de géométrie algébrique, qui sont en fait tous rédigés d'après ses notes, à partir de ces gribouillis, entre guillemets, mais qui nécessitent un travail considérable. C'est-à-dire que lui, il est la source, et puis les autres sont les gardiens du fleuve. Enfin, voilà, qui mettent en ordre. Ce sont des scribes. Et ça dure 10 ans. À partir de quel moment ça démarre exactement? Après 53, 54, là, il s'installe, il va rentrer à Bourbaki. 56, à 66 à peu près, non? Ouais, mais un peu plus tard, parce que moi, j'irai jusqu'à 69, parce que 69, c'est le moment de la rupture avec l'IHES. Et là, il n'a plus la cohorte d'étudiants qui l'entoure. Voilà, les deux Mazures, les Lucky Luzy, les Michel Reynaud, ce sont des grands mathématiciens qui sont très jeunes par rapport à Grothendieck et qui vont se mettre à son service pour rédiger ces mathématiques. Et c'est donc les séminaires de géométrie algébrique. C'est un travail colossal qu'ils réalisent les uns et les autres. Alors, c'est difficile de comprendre ce qu'a été le génie de Grothendieck, enfin cette espèce de puissance créatrice nocturne aussi longue et aussi multiforme. Alors un autre grand mathématicien qui est Micha Gromov, qui a eu le prix Abel en 2009, a tenté de réfléchir au génie de Grothendieck, et voici comment il le définit. Grothendieck a introduit une nouvelle manière de penser, importante non seulement pour les mathématiciens, mais pour toute la pensée humaine. C'est une manière de penser où l'on commence par rassembler les choses simples, les choses absolument évidentes. Pour lui, le plus important était toujours quelque chose que l'on a sous les yeux, et son génie consistait en partie à saisir le potentiel créatif de ces choses absolument évidentes que n'importe qui d'autre aurait négligé. Alors que lui s'arrêtait à cela, le formalisait et en faisait quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a très beau mot, il y a le mot simple. Voilà. Simple. C'est quelque chose d'époustouflant, c'est qu'il cherche la simplicité. Alors, j'ai l'habitude de donner une image. Quand vous regardez le travail de Monet, qui a fait 30 fois la cathédrale de Rouen, en prenant à chaque fois un angle, un éclairage un peu différent, vous pouvez vous coller au tableau, et vous serez un spécialiste du tableau, et vous serez capable de le définir de manière très très précise, millimètre par millimètre. C'est très intéressant, et en même temps, vous loupez l'essentiel. L'essentiel, vous le trouvez quand vous vous mettez à 20 mètres, et que vous avez la chance d'avoir 5 ou 6 tableaux côte à côte. Et là, vous découvrez d'abord l'objet dont on parle, c'est-à-dire la cathédrale de Rouen et la profonde unité qui existe entre tous ces tableaux. Est-ce que le vrai génie, la vraie puissance, c'est de pas faire le lien entre les deux? Voilà. D'avoir les deux points de vue? Voilà. Et c'est de montrer comment ils sont reliés? Voilà, exactement. Et c'est de montrer que on peut travailler sur ce qu'on appelle des cohomologies, qui sont des géométries du complexe, et être un grand spécialiste de ces cohomologies, voir qu'il y a peut-être des liens qui existent entre les unes et les autres, mais ne pas être capable de les voir, lui, son génie, c'est de les voir. C'est de voir cette profonde unité qu'il y a, et de toujours aller chercher l'essentiel. C'est pas la complexité sur laquelle il travaille, c'est sur la simplification extraordinaire. Mais comment vous comprenez qu'il a à la fois ce goût du simple, et qu'il soit en même temps le fondateur de concepts extrêmement compliqués, comme les produits tensoriels topologiques, la théorie de Galois-Teichmuller, la cohomologie cristalline, etc. Comment est-ce qu'on passe de l'idée que le simple doit être primordial à la construction d'édifices, de cathédrales, comme je disais, qui sont extrêmement complexes, et il faut des armées d'étudiants pour arriver à décrire ces architectures? Ouais, je pense c'est un peu comme Einstein, moi je dirais Einstein. Oui, sans doute. Qui réfléchit à partir d'expériences de pensée très simples, qu'est-ce que je ressens quand je suis en chute libre, et qui arrive à la relativité générale qui s'écrit avec des tenseurs très compliqués. Oui, je pense que lui, par exemple, il y a une image que je reprends aussi, c'est que les motifs, alors c'est une notion qu'il pose en 1964, il l'a définie de façon assez belle en disant « je vois, j'entrevois quelque chose ». Et en fait, il faut se... Oui, vous rappelez la définition dans le livre, elle est incompréhensible. Incompréhensible, elle est belle, vous pouvez la il faut lire. Que je la retrouve si vous lisez la page. C'est au tout début. Il faut juste... Ah oui, je vois, j'entrevois une faible lumière, mais c'est dans cette direction qu'il convient d'aller. J'appelle motif sur K quelque chose comme un groupe de cohomologie L-adique d'un schéma algébrique sur K, mais considéré comme indépendant de L, et avec sa structure entière, mais, ou disons pour l'instant sur Q, déduite de la théorie des cycles algébriques. La triste vérité, c'est que pour le moment, je ne sais pas définir la catégorie abélienne des motifs, bien que je commence à avoir un yoga sur cette catégorie M de K. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis dans un labyrinthe, je suis totalement perdu au milieu d'un certain nombre de miroirs, de glace, de miroirs déformants. Et je suis perdu. Voilà. Mais j'aperçois quelque chose. Et ce quelque chose m'apparaît essentiel. Alors, tous les travaux qui vont être nécessaires, qui vont être faits par des mathématiciens depuis 1964, qui sont extrêmement complexes, il s'agit de déconstruire les reflets dans lesquels vous vous trouvez. Parce qu'à ce moment-là, vous verrez l'essentiel et vous pourrez vous déplacer, tourner autour, le saisir à un moment, et c'est le point où nous sommes aujourd'hui en 2016. C'est ça qui est passionnant. Et lui dit, voilà, l'essentiel, il est là. Il est capable de désigner l'essentiel dans cette forêt. Il dit, je vois, j'aperçois. Il dit, un yoga. Alors pour lui, un yoga, c'est une façon de penser. C'est une façon de... C'est un point de vue. Un point de vue, voilà, un point de vue, mais un point de vue qui est complexe, évidemment. Comment le représenter, ce point de vue complexe? On peut penser à Picasso, qui, quand il fait le cubisme, essaie de donner un autre point de vue sur une personne, sur un objet, sur une bataille, et il essaie de vous donner un autre point de vue. Voilà. Et c'est une géométrie du complexe, mais en même temps, l'essentiel, c'est quoi? C'est ce que lui désigne comme étant le point de départ. C'est ça qui l'intéresse. Le reste ne l'intéresse pas. Et le motif. Le motif, c'est le point de départ qui est l'aboutissement d'une espèce de vision qu'il a au sein d'un labyrinthe qu'il est le seul à pouvoir comprendre. Voilà, il comprend, il dit en 64, il pousse ce que les physiciens appellent l'atome. Enfin, on découvre, il dit, il y a quelque chose qui est... C'est l'atome de la géométrie. Voilà. C'est l'atome de toute géométrie imaginaire. Voilà. Et c'est aussi simple que ça, si on ose dire. Aussi simple. Aussi simple, voilà. Non, très franchement, moi j'ai essayé de lire certains écrits de Grothendieck, Vous savez, Villani, qui est un bon mathématicien, très bon, il est médaille Fields, me dit, il me faudrait entre 5 et 6 ans de travail pour rentrer dans les mathématiques de Grothendieck. C'est ça qui est effectivement fascinant. Pour moi, c'est un paradoxe, ça veut dire que c'est ce qui est le plus simple, qui est le plus inaccessible. Voilà, mais il définit le chemin, et je pense que son désespoir, l'orgueil de Grothendieck est de ne pas avoir été capable de faire le chemin. Je pense que c'est ça qui est terrible chez lui, c'est qu'il aperçoit le point où il faut aller, réaliser ce chemin. C'est ce qu'il fait en 58. En 58, il dessine un chemin. Il dit voilà quel est le chemin. Ça, c'est la conférence qu'il prononce à Édimbourg, au Congrès mondial des mathématiques. Absolument. Où il fonde la géométrie algébrique devant tout le monde, qui est sidéré. Voilà. Ils refondent la géométrie algébrique en disant voilà le chemin, voilà le travail qu'il y a à faire, qui est un travail extrêmement complexe. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient là, les mathématiciens qui étaient présents à ce congrès mondial, étaient capables de comprendre le génie du personnage et ils ont senti qu'il se passait là quelque chose d'historique pour leur discipline. Oui, oui. Alors est-ce qu'ils l'ont senti à l'instant? Ce qu'on me dit, c'est que oui, il y a eu quelque chose. C'est-à-dire qu'en 1958, il est quand même encore jeune, il a 30 ans. Les gens réalisent qu'ils sont face à un phénomène. Un extraterrestre. Quelque chose d'extrêmement bizarre. Un type qui a 30 ans et qui a la prétention, peut-être, ou le culot, pour dire voilà quel est le chemin. Qui est un chemin compliqué. Veille, travaillait dessus depuis des années, ne voyait pas quelle était la possibilité de marier la géométrie, l'algèbre. Les mathématiques, ils sont toujours présentés comme une discipline multiple, avec des secteurs séparés, l'algèbre, la géométrie, l'analyse. Voilà. En fait, on peut les refonder d'une façon unique. Voilà. Si c'est aussi l'ambition de Bourbaki, ça. Oui, c'est tout le travail de Bourbaki. Enfin, le travail de Bourbaki est de dire, il y a un grand désordre dans le monde des mathématiques. On est en 1934 quand il est fondé, quand il devient vraiment actif, on est en 1946, 47, 48 et les années 50. Et ils disent, il y a un grand foutoir mathématique, disons. Les notions, il faut les redéfinir. Les théorèmes doivent être définis et rigoureux, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est-à-dire qu'on admettait des théorèmes qui admettaient des exceptions. Bah non, en mathématiques, c'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est vrai quelles que soient les conditions. Voilà. Et donc, le travail de Bourbaki, c'est de refonder les mathématiques en disant, voilà, On en est à ce niveau de mathématiques, c'est une sorte d'immense travail pédagogique pour les futurs chercheurs, et voilà quelle est la base. Ils refondent la base. Mais eux n'ont pas encore la prétention de dire on va refonder les mathématiques pour faire la mathématique. Oui, il y a cette envie, ce désir, on avance, mais il y en a un parmi eux qui va dire voilà, c'est la mathématique qu'on va refonder, c'est la géométrie algébrique et l'arithmétique, et on va trouver des outils pour refonder tout. Et c'est Grothendieck qui, avec un culot invraisemblable et l'espèce de brutalité aussi, hein, et d'orgueil, mais c'est pas un gars simple, hein. Non, c'est pas un gars simple. Il bouleverse. Dans votre livre, vous racontez longuement les relations qu'il entretient avec Bourbaki. Est-ce qu'on peut les raconter à nouveau? Oui, on peut les raconter. André Veil est un garçon très très bien éduqué. Hein, c'est le frère de Simone. Voilà, le frère de Simone. C'est un grand mathématicien, très grand. Au deux sens du terme, je crois qu'il est très grand en taille, non? Oui. Je confonds avec Jean Dieudonné. Non, c'est Jean Dieudonné qui est très grand. Et Veil est un garçon tout à fait courtois, tout à fait charmant, extrêmement brillant en mathématiques et en d'autres domaines. Et Grothendieck est un malotru. Il est pas capable de se tenir en société. Enfin, il a aucune notion de ce que c'est que la bienséance, la politesse. Oui, enfin, il va la prendre, mais la hiérarchie. Alors ça, c'est quelque chose qui est totalement étranger. Les convenances, ça n'a aucun sens. Et il dit ce qu'il pense avec une grande brutalité. Et à un moment, par exemple, il y a une engueulade avec Veil, où Grothendieck dit moi, je ne veux pas qu'on me parle comme ça, ce qui est un comble de sa part, et demande des excuses, ce qui est aussi un comble de sa part. Bon. Mais ils vont s'engueuler. Cartan fait une réponse assez diplomatique et assez drôle, en disant mais que seraient les mathématiciens s'ils cessaient de s'engueuler? Oui, c'est ça. Voilà. Et on lui dit, ben oui, on va pas arrêter de s'engueuler parce qu'on fait des mathématiques. Donc, l'un est consubstantiel. Et en plus, comme Bourbaki est une construction collective, que tout est approuvé par tout le monde, après des débats et des relectures interminables, ben oui, ça suppose que on s'engueule et qu'on se dit c'est de la, voilà, ou c'est, on fait une connerie, ou on est dans une voie, stupide. Voilà. Donc, il parle comme ça. Et à un moment, il amène quand même le groupe Bourbaki à mettre à la poubelle 400 pages qui sont prêtes à publier. En leur disant, on peut faire mieux. Et là, les mathématiciens qui sont là, et qui sont vraiment pas des Delsart ou d'autres, Godemont, sont pas des nuls, je veux dire. C'est des grands mathématiciens. Ils s'inclinent. Et ils mettent les 400 pages à la poubelle. Pierre Cartier le raconte très bien. C'est une scène. Voilà, on est dans le grand opéra. On est presque dans la tragédie, en fait. Oui, on est dans la tragédie. Alors ça, la tragédie, il aura un sens très profond, la tragédie. Mais là, on est déjà dans la tragédie humaine, qui est cette espèce d'hurluberlu qui bouleverse tout ce qui est établi. Voilà. En même temps, il est capable de collaborer d'une certaine façon. Alors, mais ça se termine toujours par une rupture violente. Ouais, oui, il est toujours. Alors, la collaboration, elle est. Elle est descendante. Voilà. C'est que il domine quand même. Il domine et il n'est pas prêt à prendre des leçons. D'ailleurs, il y a assez peu de leçons à lui donner, il faut bien le dire. Mais de grands mathématiciens comme Artin, par exemple, se voient, un mathématicien américain, géomètre algébriste, qui tente de partir dans une autre direction, se fait corriger ses copies, mais comme si c'était un élève de deuxième rang, et le prend assez mal. Comprendre, mais c'est comme ça. Alors, quand on dit il collabore, oui, il collabore avec beaucoup de gens, il est très très ouvert. C'est-à-dire que les mathématiciens viennent le voir, Ted vient le voir à Paris quand ils ont un problème l'été, notamment, ils passent le voir pour parler avec lui, parce que c'est une sorte d'oracle mondial des géomètres algébristes. Donc, oui, il peut collaborer, mais c'est lui qui dit les choses, quand même. Voilà, il apprend assez peu de choses des autres. Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein. Vous Alors, quand on en reste à cette période, cette vie de créativité mathématique intense, comment est-ce qu'il vit par ailleurs? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Ça vit comment un mathématicien en pleine phase de création? Alors, en pleine phase de création... C'est dans un autre monde ou ça reste incarné et vivant? Alors, dans le monde actuel? Il est à la fois dans un autre monde et il est dans un monde assez simple, en fait. Il est dans un autre monde, par exemple, la politique est quelque chose qui lui est totalement étranger. Je parle de la période des années 50-53 jusqu'à 1969. Ça lui est totalement étranger. Il ne comprend pas du tout ce que... Il lit à peine les journaux? Il lit pas les journaux. Non, non, il les lit pas. Il lit la nuit. La radio ne l'écoute pas. Il se consacre aux mathématiques. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, il reçoit ses élèves. Une journée classique de Grothendieck à cette époque, c'est qu'il reçoit ses élèves en début d'après-midi, vers 14h, parce qu'il a dormi jusque 11h midi. Et il va travailler avec eux sur la rédaction des fameux séminaires de géométrie algébrique. Et ça va durer jusqu'à 9h. Il va travailler de 15h à 21h. Voilà. Et... Là, il raccompagne ses étudiants qui ont transpiré, qui racontent des séances totalement épuisantes. Ils ont dîné ensemble, il les a raccompagnés au dernier train, puisqu'à l'époque, il était à Bure-sur-Yvette. Les étudiants rentrent à Paris et lui se met au travail. Et il se met au travail vers 22h, 23h et il va griffonner ses feuilles jusqu'au lendemain matin, 6h du matin. Là, il dépose ce qu'il a écrit la nuit et il va dormir. Bon, alors ça veut dire qu'il est quand même, à cette époque, avec ses enfants, à la fois très tyrannique et très tendre. Enfin, c'est parfois violent, c'est parfois difficile pour les enfants. Et parfois, c'est un père de famille normal. Je veux dire, il fête leur anniversaire, etc. Mais le monde extérieur n'a aucune réalité pour lui. Voilà. Ça, c'est jusqu'en 69. Après 68, il y a un basculement qui est assez spectaculaire si on en croit ses amis de l'époque. Mais 68, il se fait traiter à Orsay de mandarin. Ce qui pour lui est vieux, une chose... De vieux. Il va à l'amphi de la fac d'Orsay, où il pense qu'on va l'accueillir comme un leader, comme quelqu'un qui est représentatif des bouleversements du monde. Alors qu'il n'a que 40 ans. Il n'a que 40 ans, mais il se fait accueillir comme étant un vieux con, quoi. Et comme un mandarin. Ce qui pour lui est un truc, mais totalement, il est lui totalement étranger. Vraiment, il a aucun titre académique, il n'a pas de cours, il n'est pas professeur, il donne des séminaires à l'IHES. Mais il s'est déjà intéressé à la politique avant, puisqu'en 66, il refuse d'aller chercher la médaille Fields à Moscou. Oui, alors là, c'est un épisode qui est compliqué, parce que son premier refus est fondé sur le fait que son père, qui était anarchiste et qui a combattu dans la révolution de 17 aux côtés des bolcheviks, a été ensuite chassé par les bolcheviks, puisqu'il était aux côtés de Makhno, l'anarchiste ukrainien. Donc les bolcheviks sont des traîtres. Voilà, qu'il les prenait pour des traîtres. Donc il ne refuse pour ça d'aller à Moscou. Alors après, il semble qu'il reconstruise, je pense, l'histoire des deux intellectuels que Brejnev fait condamner à des camps. Et ce qui est amusant ou intéressant, c'est qu'il va s'y accrocher jusqu'à la fin de sa vie. Cet épisode, par exemple, de la médaille Fields, qu'il ne va pas chercher, qu'il accepte, mais qu'il ne va pas chercher... Et il regrettera de l'avoir accepté. Mais il regrettera, mais jusqu'au bout, il y a des écrits épouvantables où il se couvre la tête de cendre parce qu'il a accepté cette médaille. Et à cause de ces deux intellectuels, il dit jamais j'aurais dû y aller. Et il a des écrits jusque dans les années 2000, où il regrette profondément. Il l'écrit à un ancien professeur du collège Sévenol, qu'il n'aurait jamais dû y aller. Jamais. Bon, mais ça, je pense qu'il est à cette époque dans une mortification terrible, alors que il a accepté la médaille. Et qu'est-ce qu'il a fait de sa médaille? Alors là, on rentre dans le grandiose, c'est qu'il dit, j'ai un bout de métal, eh ben, je vais aller le porter à la République populaire démocratique du Vietnam. Et il décide d'aller au Vietnam. Et à une époque où c'est pas simple d'aller au Vietnam, il disparaît du paysage, mais ça, il savait très bien faire. Et il va passer, en novembre 1967, 3 semaines, à Hanoï et dans la forêt sous les bombes. Parce qu'à l'époque, des bombardements quotidiens. Et c'est le moment où l'armée américaine s'engage massivement au Vietnam et va déclencher c'est un tapis de bombes épouvantable. Et il se trouve là-dessous, et quand il le raconte, c'est, on a l'impression que c'est une série télévisée, quoi. Il est très détendu. Bon, il y a un type qui est mort, pas très loin, mais bon, il donne son cours. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi est-ce que sa vie va brutalement changer? Pourquoi est-ce que les mathématiques vont devenir à ce moment-là secondaires et qu'il va s'engager dans l'écologie radicale? Alors, je pense que ce qui est profondément important, c'est cette rupture en 68 où lui découvre qu'il y a un monde qui bouge autour de lui. Et il fait une deuxième découverte avec un botaniste. Il découvre que le monde est fragile, que le monde dans lequel nous sommes est d'une infinie fragilité. Il découvre ça. Valentin Poénarou, qui était à cette époque très proche, raconte ce basculement, cette découverte. C'est-à-dire que le réel, les plantes, et l'équilibre global de la planète peut être menacé. Et là, pour lui, c'est une découverte fondamentale. Il se met à réfléchir, à consulter. Pour le coup, il s'ouvre au monde. Et à ce moment-là, il engueule ses copains, notamment Pierre Cartier, en disant « Mais tu fais encore des mathématiques. » Alors qu'avant, il leur disait « Tu fais autre chose que des maths. » Bon. Comme si les scientifiques en général, notamment les physiciens, les mathématiciens aussi, étaient coupables de quelque chose? Oui, absolument, parce que là, son grand basculement, c'est un basculement gigantesque, hein, et c'est à sa dimension. Il dit le monde va à sa perte et il faut arrêter la recherche scientifique. Alors évidemment, il va dire ça au Collège de France. Il a une chaire pour une année, parce qu'il est français, voilà. Il n'est pas français, en fait. Alors il est renouvelé, il n'est pas français, il devient français en 1971, en mars 71. Mais quand il entre au Collège de France, il n'est pas français. Donc, il est invité. Et un invité, c'est renouvelé une fois, pas plus. Bon. Et il y a un débat que je trouve assez difficile, disons, ou pas très digne, pour l'écarter du Collège de France, au prétexte que, voilà, on ne va pas... alors qu'il est devenu français. Bon. Pourquoi je peux comprendre d'une certaine manière la décision du Collège de France? Parce que Gotendick dit « oui, je veux faire des mathématiques ». Et il présente un programme de mathématiques tout à fait cohérent, tout à fait important. Mais il veut aussi remettre en cause cette question, remettre sur la table cette question en quoi la recherche scientifique nous amène au pire. Voilà. Il pose la question de la responsabilité du scientifique. Voilà. Et il le pose maladroitement. Parce qu'il n'a pas une culture philosophique, une culture tout court très très importante. Il le pose avec maladresse, mais il dit l'essentiel. Il dit où allons-nous? Et à poursuivre la recherche scientifique, où allons-nous? Voilà, ça c'est fondamental chez lui. Il disait tout à l'heure qu'il n'aimait pas les physiciens. Alors, non, est-ce que c'est lié à ça ou parce que ce sont ceux qui, dans le domaine des sciences, sont les plus puissants, ont une capacité d'agir sur la matière qui est la plus spectaculaire? Oui, je pense que c'est surtout un préjugé extraordinaire. Parce c'est-à-dire qu'ils font mal des maths, ils font des maths pourries. Mais non, pas tout à fait. Non, c'est pas ça. C'est que tout mathématicien a concouru à la bombe nucléaire. Voilà. Il réduit toutes les mathématiques à l'existence du nucléaire. Et de la bombe, des bombes qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki. C'est donc, quand même pas une chose qu'il a découverte en 1968. Peut-être l'a-t-il découverte en 66. Enfin, il a toujours une espèce de grande méfiance, ça l'intéresse pas. Je pense que les physiques ou la chimie, pour lui, c'est quelque chose de trop concret, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'abstraction. Là où il est extraordinaire, c'est dans l'abstraction. Alors, concevoir des machines pour observer des atomes, je pense que ça lui échappe, mais totalement. Voilà, l'intérêt lui échappe. Et en plus, les physiciens sont coupables d'avoir participé à l'élaboration de la bombe atomique. Voilà. Donc il veut parler de cela dans son cours du Collège de France, qui est un cours de mathématiques. Voilà. Faire de la politique, finalement. Faire de la politique, dire où va-t-on, et imposer une règle alors qui se développe beaucoup aux États-Unis, qui est une remise en cause du magistère, c'est-à-dire qu'il y a une libre prise de parole des étudiants à la fin du cours, pour dire, mais en quoi ce dont nous venons de parler a un intérêt pour la société ou pas. Bon. Il veut lancer des débats. Voilà, il lance des débats. Et ça fait peur. Voilà. Ça fait peur à l'institution qui lui refuse les compétences pour mettre en place un cours sur où va la recherche scientifique, ce qu'on peut peut-être comprendre. Maintenant, il est quand même évincé. Et imaginez qu'on évince Grothendieck pour ces raisons, est un peu désolant. Je me souviens de Gödel. Gödel était un des plus grands logiciens que la Terre ait porté. Il faisait le matin le chemin avec Einstein à Princeton, et le soir aussi. Et il est mort fou, il est mort... il était paranoïaque. Il avait peur d'être empoisonné. Il avait peur d'être empoisonné, donc évidemment, il est mort de faim. Bon, Princeton, l'IAS l'a toléré jusqu'à la fin. Bon, voilà. Si on revient à la chronologie, donc le Collège de France, ça se passe mal. C'est quelle année, ça? C'est... Là, on est en 72. Et sa disparition, entre guillemets, elle intervient en 1991. Oui, alors Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Entre deux, il est professeur à Montpellier. Et là, il se passe quelque chose d'assez formidable. C'est qu'il donne des cours. Et il donne des cours, évidemment, on le prend pour un professeur hurluberlu, il arrive toujours en short, avec ses tenues invraisemblables, en sandales, évidemment, il donne plutôt cours dehors, parce qu'il aime bien sous les pins quand c'est possible, et il demande aux étudiants d'arriver avec du papier, de la colle, des ciseaux, puis on va faire des polyèdres. Alors, des polyèdres, des cubes, des pyramides, etc. Alors, c'est très bizarre, et en même temps, il a une volonté farouche d'intéresser les étudiants, d'essayer d'attirer les étudiants, parce que, voilà, par quel que soit le moyen, il se fout des notes, il propose de mettre toutes les notes. Oui, dit ça tout le monde. Oui, la même note à tout le monde. Ou les tirer au sort. Ou tirer au sort entre 12 et 14, peu importe, il s'en fout. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout. Mais attirer l'attention des étudiants, ça l'intéresse beaucoup. Alors, il fait ce cinéma et des professeurs lui disent « Mon enfant, on n'est pas là pour s'amuser. » Alors là, Gotenck dit « Là, je ne comprends absolument pas. Moi, ça fait depuis toujours, je m'amuse avec les mathématiques. » Donc, il a ce côté hurluberlu qui fait de lui un sort de professeur un peu bizarre, un peu grotesque. Et puis, on va l'oublier. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'en 91, donc il prend sa retraite, ça a été un professeur, mais il s'est pas fait remarquer par des recherches fondamentales parce qu'il n'a plus ce dispositif qu'il avait à Paris. C'est-à-dire que ses gribouillis restent dans ses cartons. En fait, il a besoin d'étudiants. Il a besoin d'étudiants. Il avait besoin fécond. Voilà, il avait besoin d'étudiants de très haut niveau, hein, qu'il avait à Paris, qu'il va pas retrouver forcément à Montpellier, et puis il s'enferme un peu, et puis il se préoccupe aussi d'autres choses, hein. Ça devient vraiment un militant écolo, il traîne dans toutes les affaires de néo-ruraux, etc. Il va sur le Larzac de ne faire le coup de poing, parce que, pour défendre les agriculteurs, donc il fait ça, mais il continue à travailler la nuit, sur des données qui seront aujourd'hui, qui ont été développées, par d'autres mathématiciens, c'est là où il a toujours besoin des autres, qui sont des notions fécondes aujourd'hui. Mais voilà, il mène cette vie de professeur de Montpellier. Il est plus du tout dans les congrès internationaux. Il va plus du tout à la rencontre des grands mathématiciens de la planète, même s'il y a toujours des échanges de courriers. Hein. Et il fait toujours des mathématiques. Mais voilà, c'est un professeur parmi les autres. Et la faculté de Montpellier va l'oublier. C'est-à-dire totalement oublié au point que au début des années en 2000, on demande à un historien de dresser une liste des 10 plus grands professeurs de l'université de Montpellier et il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste. Parce qu'il est oublié. Est totalement oublié. Totalement oublié. Totalement. Mais il tombe dans un oubli où il a voulu tomber. Donc il n'est évidemment pas tombé dans les grands mathématiciens, les géomètres algébriques se souviennent de lui et transpirent sur ses mathématiques. Mais il est oublié, cette anecdote de Montpellier est saisissante, parce que personne ne se souvient de lui à Montpellier. Voilà. Il est parti depuis 9 ans ou 10 ans, mais personne ne s'en souvient. Un physicien dit quand même, c'est pas possible. Ça n'est pas possible de dresser une liste des 10 plus grands professeurs de cette université si on oublie Gotenck. Et donc là, donc les physiciens ont quand même quelques vertus. Voilà. Et puis à un moment, quand il est mort, on s'intéresse un peu à ses archives, aux cartons qu'il a laissés, aux 20 000 pages qu'il a laissées à Jean Malgoire. Mais c'est un professeur de mathématiques d'université classique, quoi. Voilà. Il va plus dans les congrès mondiaux. Il fait toujours de la recherche, mais il le montre pas à personne, si ce n'est à ses étudiants, mais qui ne sont pas en mesure de le développer. Voilà, c'est un professeur sympa, cool, comme mai 68 en a produit. Et là, j'insiste un peu sur un point, c'est que on peut se moquer de cette envie d'attirer l'attention des étudiants, des élèves, etc. Ils pensent que c'est ça l'essentiel et c'est ça la pédagogie. Et somme toute, j'ai envie de dire, ben, aujourd'hui, la meilleure école au monde, semble-t-il, c'est la Finlande, et la Finlande est fondée sur ça. L'école finlandaise est fondée sur ce rapport déconstruit de l'école au maître, c'est-à-dire qu'il y a un rapport très très simple. L'élève peut interpeller le professeur, évidemment, en respectant des règles de courtoisie, mais il peut l'interpeller, il peut... voilà. Et cette espèce de libération de l'enfant face au maître, c'est ce que prenait Grothendieck. Ça fait aussi penser à Einstein, là encore, parce qu'Einstein, il avait démissionné du lycée de Munich à 15 ans parce qu'il ne supportait pas la discipline qui était militaire. Parti en Italie rejoindre ses parents, puis au bout d'un an, il est allé dans une école en Suisse, à Aarau, qui pratiquait une pédagogie ouverte, où on partait des questions des élèves avant d'asséner le cours. Voilà, donc je dis, on peut se moquer de Grothendieck, on peut s'en moquer, ça n'est pas interdit, mais c'est stupide. C'est stupide parce que je pense qu'il écrit des lettres, alors il est un peu maladroit, ou des adresses aux élèves, dans lesquelles, oui, il parle de beauté, d'envol, etc. Mais ce qu'il veut, c'est susciter l'intérêt, l'imagination, l'intuition, la curiosité de ses étudiants. Voilà, je vois pas ce qu'un professeur a d'autre à faire. Mais est-ce que vous avez compris, à partir de vos recherches, de vos rencontres, des discussions que vous avez eues avec des gens qui l'ont connu, pourquoi il a disparu? Enfin, pourquoi il a souhaité disparaître? Pourquoi est-ce qu'il a demandé à n'être jamais dérangé dans ce petit village d'Ariège où il s'est retiré? Alors, Philippe Dourot. Moi, l'hypothèse que je fais, mais c'est que ses copains, ses anciens copains qui le disent, il a une envie de disparaître. Pourquoi ? David Ruel, qui est un physicien, un théoricien de l'IHES, dit de belle manière, il n'était rien et il a voulu redevenir ce rien. C'est-à-dire qu'il a voulu, c'est comme s'il avait voulu redevenir cette espèce de poussière de l'histoire qu'il était au début. Moi, je dis souvent qu'il était au fond de la poubelle de l'histoire et que son génie lui a permis d'être ce qu'il est devenu. Et après, il a voulu cette disparition. Mais ce qui est très important, c'est que on a découvert à la serre, dans son village, dans sa maison, des cartons, 45 cartons, et puis des masses de papier, qu'il souhaite être conservés et donc mis à la disposition de la communauté mathématique. Et donc là, on a un formidable retournement qui est cet homme qui voulait tout détruire, qui voulait tout faire disparaître et lui-même disparaître, a laissé quelque chose et il tient à ce que ce soit conservé. Il a continué à créer jusqu'à la fin. On pense que jusqu'en 97, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est des mathématiciens, jusqu'en 97, il a fait des maths. Après, c'est des méditations, c'est très touchant d'un chaos extraordinaire qui s'installe dans son cerveau. C'est très beau parce qu'il travaille jusqu'à la fin, par exemple, sur la déportation des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il essaye de sauver ces gens en les raccrochant dans une sorte de géométrie invraisemblable. Il veut les arracher à l'oubli. Voilà. Philippe Dourou, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais le temps passe. Je recommande donc la lecture de votre livre Alexandre Grothendieck sur les traces du dernier génie des mathématiques. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Nicolas Delmas et à la réalisation François Connac. Thank you.